franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le procès d'O.J. Simpson, une saga américaine. Il y a quelques jours et quelques semaines, à San Diego et à Charlotte, deux Afro-Américains ont été tués par la police lors d'une interpellation. Le nom de ces hommes vient s'ajouter à cette insupportable liste qui, aux États-Unis, ne cesse, chaque semaine, chaque mois, de s'allonger. Un à un, ces Afro-Américains tués par les forces de l'ordre à travers le pays se succèdent sans que rien ne change. Alors, à chaque fois, ou presque, le schéma se répète, la communauté noire sort dans la rue pour crier sa colère et la question raciale ressurgit à travers ces faits divers qui n'en sont plus. Il y a 20 ans, c'est d'une autre manière et d'une toute autre manière que la question raciale est apparue au cœur de l'actualité américaine. Lorsque le 17 juin 1994, l'ancienne star de football américain, Orontyle James Simpson, est arrêté et inculpé pour le double meurtre de Nicole Brown et de Ronald Goldman, s'écrivent alors les premières lignes de l'une des plus grandes affaires criminelles américaines. Le procès qui s'ouvre, quelques mois plus tard, est rapidement baptisé « Procès du siècle ». L'horreur du crime, la personnalité des protagonistes, l'argent dépensé, la médiatisation à outrance, le verdict et les répercussions politiques, tout est réuni pour faire de ce drame une saga digne des grandes productions hollywoodiennes. Parce que O.J. est noir, célèbre et riche, parce que tout l'accuse, mais qu'il plaide non coupable, parce qu'on est à Los Angeles, cette histoire soulève, par son ampleur, la fracture sociale, culturelle et raciale qui divise les communautés noires et blanches aux États-Unis. Elle interpelle sur les limites du système judiciaire américain en même temps que sur son modèle social. Enfin, elle donne à voir le miroir d'un pays fracturé dont les plaies ne sont toujours pas cicatrisées. En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur ces questions avec notre invitée Sylvie Laurent, historienne, spécialiste de la question afro-américaine. Elle vient de publier un nouvel essai intitulé « La couleur du marché » aux éditions du Seuil. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Julien Chabassu. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. I'm Larry Carroll in Los Angeles. The Los Angeles County District Attorney has just filed murder charges against Orontyle James O.J. Simpson. 17 juin 1994, Los Angeles, Californie. Il est de ces journées dans l'histoire d'un pays où toute personne en âge de se souvenir pourra vous dire où elle était et ce qu'elle faisait à ce moment-là. Concernant ce 17 juin 1994, un Américain sur quatre vous répondra qu'il était devant sa télévision et qu'il assistait en direct à l'un des événements que seuls les États-Unis, se dit-on parfois, sont capables d'inventer. Tout commence dans la matinée, peu après 11h, lorsque David Gascon, le chef des enquêteurs du LAPD, la fameuse police de Los Angeles, s'avance, le visage grave, devant plusieurs centaines de journalistes. This is David Gascon from the LAPD, the Los Angeles Police Department, talking about the two counts of murder that have been filed against O.J. Simpson. Au cours de notre enquête, après avoir interrogé les témoins et analysé les éléments matériels ici et à Chicago, nous avons demandé et obtenu l'arrestation et l'inculpation d'O.J. Simpson pour le meurtre de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman. Monsieur Simpson, avec l'accord de son avocat, a accepté de se rendre ce matin à la police de Los Angeles à 11h. It then became 11:45. Il est 11h45. Monsieur Simpson n'est pas là. La police de Los Angeles recherche maintenant activement Monsieur Simpson. Depuis 4 jours, on ne parle que de ça, de ce crime horrible qui a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juin 1994 à Brentwood, un quartier chic de Los Angeles. Ce soir-là, la police découvre les cadavres de Nicole Brown, 35 ans, et de Ron Goldman, 26 ans, tous deux lardés de plusieurs coups de couteau baignant dans une mare de sang. Très rapidement, O.J. Simpson, ancienne star du football américain, idole de tout un peuple et ex-mari de Nicole Brown, est suspecté du double meurtre. Des preuves retrouvées sur les lieux du crime et à son domicile, ainsi qu'un alibi fragile, poussent les enquêteurs à interroger O.J. Simpson, qui nie toute implication. Il est donc relâché. Le 16 juin 1994, pendant qu'il se rend à l'enterrement de son ex-femme avec leurs deux enfants, les analyses des différents éléments retrouvés parlent. Parmi les traces de sang découvertes sur les lieux du crime, il y a celle d'O.J. et parmi celles retrouvées chez lui, il y a celle des deux victimes. Le procureur de Los Angeles, Jill Garcetti, décide l'arrestation et l'inculpation de Simpson. Son avocat le persuade de se rendre lui-même à la police le lendemain, 17 juin, à 11h. Oui, sauf que ce 17 juin à 11h, la star ne se rend pas à la police. Tous les regards se tournent alors vers la maison de Robert Kardashian, un ami d'O.J. Simpson, chez qui ce dernier a passé la nuit. C'est de là que Robert Shapiro, l'avocat de l'ancien footballeur, prend la parole pour annoncer que son client a disparu, qu'il est armé et suicidaire. Puis c'est au tour de Robert Kardashian de s'exprimer. Il lit une lettre écrite par O.J. Simpson juste avant sa fuite. Cette lettre a été écrite par O.J. Simpson aujourd'hui. D'abord, tout le monde doit savoir que je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Malgré ce qui est écrit dans la presse, Nicole et moi avions une très bonne relation. Je pense à ma vie et je crois toujours avoir fait les meilleures choses possibles. Je ne peux plus avancer. J'ai eu une belle vie. Je suis fier de l'avoir vécue. Ne soyez pas désolé pour moi. J'ai eu une vie magnifique. Des amis superbes. S'il vous plaît, pensez au vrai OG et pas à cette personne perdue. Peace and love, OJ. À partir de là, c'est l'emballement. Dans le ciel de Los Angeles, les hélicoptères des différentes chaînes de télé survolent la ville à la recherche de la Ford Bronco blanche avec laquelle O.J. Simpson a pris la fuite en compagnie de son ami et ancien équipé Al Collins. Au bout de quelques heures, la voiture est repérée. Toutes les chaînes de télé interrompent leur programme et diffusent en direct la course-poursuite qui s'engage entre le LAPD et O.J. Simpson. Une course-poursuite étrange, comme au ralenti. Les voitures de la police se tiennent à quelques mètres derrière celles du fuyard, sur une autoroute bouclée et rapidement désertée. On sent bien que la situation est exceptionnelle. Et pour cause, il s'agit d'O.J. Simpson, la star du football, armé et suicidaire, le tout filmé en direct. Les policiers parviennent à le joindre par téléphone et tentent de le raisonner. O.J., you there? This is for me. This is not to keep you guys away from me. This I know for that. Me. Nobody's going to hurt this you. This is for me. Okay, it's for you. I know that, but do it this for you. This is for me, for me. I That's know all. That. I know that, but do it for the kids, too, will you? Yeah. Think of your kids. Yeah. Please, you're scaring everybody, though. Please, man. Hey, you've been a good guy, too, man. Let thanks, man. I know you're doing your job. You I appreciate right that. Right from the beginning, just saying you're doing your job. Listen. I know you're doing a good job. Okay, thank you, but there's a lot of people that love you. Don't throw it all away. Don't throw it all away. Après plus de 100 km de cette étrange course-poursuite, la Ford Bronco reprend la route de Brentwood, le quartier où vit O.J. Simpson. Tout au long de son parcours, des centaines d'Américains descendent de leur voiture, accourent au bord de la route, et des cris s'élèvent. Go, O.J., go, O.J. Ils soutiennent leur idole en train de tenir tête à la célèbre police de Los Angeles, sous les yeux de plus de 90 millions d'Américains. La voiture finit par s'arrêter sur le perron de la maison de Simpson. Al Collins sort du véhicule, O.J. reste seul dans la voiture. Il est toujours en contact avec les agents de police. Rappelons que nous sommes en direct. Les États-Unis retiennent leur souffle. Finalement, la nuit tombe et c'est le moment choisi par l'ancienne vedette pour enfin descendre de sa voiture et se rendre à la police qui l'a ridiculisé tout au long de la journée. Quelques heures plus tard, menotté, il est embarqué. Ce 17 juin 1994, le temps d'une journée folle, O.J. Simpson a retrouvé ce qui avait fait sa légende. Il a couru la dernière course de sa carrière. L'image bouleverse l'Amérique tout entière. Elle symbolise l'épilogue d'une affaire qui passionne, comme l'une de ces histoires dont on fait les films. L'ancien champion est très vite le suspect numéro 1. Il a un alibi, c'est vrai. Il se trouvait apparemment chez lui à l'heure du crime, puis est parti en rendez-vous d'affaires à Chicago. Mais il y a des preuves troublantes aussi. Un linge et un gant tachés de son sang. On aime O.J. Simpson, on le veut innocent. Et l'annonce hier de son inculpation, puis de sa fuite, n'y change rien. Raconter O.J. Simpson, c'est peindre une success story comme l'Amérique en raffole. Celle de ce jeune noir, né le 9 juillet 1947 dans le quartier pauvre de Potrero Hill, à San Francisco, abandonné par son père à l'âge de 5 ans, élevé par sa mère. C'est l'histoire de ce jeune garçon aux jambes rachitiques qui grandit, guérit et découvre qu'il court plus vite que tout le monde. C'est l'histoire de ce jeune homme qui se passionne pour le football américain et qui le domine à coups d'exploits, de titres et de récompenses, jusqu'à devenir, au milieu des années 70, la première légende afro-américaine du sport le plus populaire des États-Unis. Le rêve Simpson ne s'arrête pas là, car le joueur réussit également son après-carrière, comme commentateur pour la télé, dans des campagnes de publicité, puis comme acteur. Le beau O.J. au sourire ravageur s'installe durablement dans le cœur des Américains, de tous les Américains. Car l'athlète a toujours refusé qu'on le rattache à la communauté afro-américaine. Il incarne d'ailleurs plutôt l'inverse, celle d'un noir intégré à la haute société blanche. Une image renforcée par son second mariage en 1985 avec Nicole Brown, une jeune et jolie blonde. Un couple devenu métaphore de l'Amérique réconciliée avec elle-même. C'est donc cette icône qu'ont soutenue les habitants de Los Angeles ce 17 juin 1994. Sauf que derrière l'idole se cache un homme violent qui bat sa femme. Comme en témoigne cet appel au secours de Nicole Brown, datant du 25 octobre 1993, un an après leur divorce, et que les journalistes diffusent après l'arrestation de Simpson. O.J. Simpson, I think you know his record. Did you just send somebody over here? Hey, what is he doing there? Please, first of all, he broke the back door down to get in. Okay, wait a minute, is he threatening you? He's fucking going nuts. You're gonna hear him in a minute, he's about to go in again. O.J. Simpson ne cède pas. Malgré les preuves, malgré la fuite, malgré ses antécédents, il plaidera non coupable. Le soir du meurtre, entre 22h et 22h30, moment estimé pour la mort des deux victimes, il était chez lui à attendre sa limousine, puis il a décollé pour Chicago. Pour expliquer sa blessure à un doigt, il dit s'être blessé avec un verre en apprenant la mort de Nicole. Et puis il réitère, on n'a pas trouvé l'arme du crime, il n'y a aucun témoin direct du meurtre. Le 8 juillet 1994, à l'issue des audiences préliminaires, la juge estime pourtant que les charges retenues contre la vedette sont quand même assez lourdes pour qu'il soit jugé devant un jury populaire. O.J. Simpson risque la peine de mort. D'emblée, l'affaire se déroule dans un contexte particulièrement tendu. La ville de Los Angeles est encore profondément marquée par les émeutes qui ont eu lieu 2 ans auparavant. En 1992, des policiers du LAPD sont acquittés dans l'affaire Rodney King, un Afro-Américain qu'ils avaient violemment passé à tabac lors d'un contrôle. La scène avait été filmée par un témoin et la décision du jury avait provoqué les plus violentes émeutes de l'histoire du pays. Alors, quand 2 ans plus tard, c'est O.J. Simpson, un Afro-Américain qui est sur le banc des accusés pour l'assassinat de 2 Blancs, la question raciale s'invite de nouveau dans l'actualité. Une question raciale sur laquelle compte bien jouer la défense d'O.J. Simpson. Un vrai levier pour elle. Quelques semaines avant l'ouverture du procès, un journaliste publie un article qui révèle le passé houleux de Mark Fuhrman, un agent du LAPD. Pas n'importe quel agent, puisqu'il s'agit de l'inspecteur qui a retrouvé le gant ensanglanté dans les jardins d'O.J. Simpson, ainsi que la plupart des preuves contre les suspects. Or, ce Mark Fuhrman est connu pour avoir tenu des actes et des propos racistes dans plusieurs affaires. Pour le public noir, c'est clair, O.J. Simpson est une nouvelle victime afro-américaine des méthodes du LAPD, une police connue historiquement pour ses violences et sa répression contre les noirs américains. C'est donc sous haute tension que s'ouvre le 26 septembre 1994 ce procès qu'on appelle déjà le procès du siècle. En Amérique, on l'a déjà baptisé le procès du siècle. Il faut dire que tout y est. Une splendide jeune femme blonde massacrée chez elle à coups de couteau et comme suspect présumé son ex-mari, ancienne idole du football américain, l'athlète noir O.J. Simpson, le fameux running back des Buffalo Bills. Aujourd'hui à Los Angeles, pour l'ouverture du procès Simpson, les télés sont encore là. 24 mobilhomes bardés d'électronique, 15 camions relais hérissés d'antennes satellites se sont installés face à la salle d'audience. C'est donc parti pour l'un de ces réalités show dont raffolent les Américains. France Inter. Le procès d'O.J. est celui de tous les records. Tous les journaux, même les titres les plus sérieux, ont déjà consacré plusieurs unes à l'histoire. Depuis sa prison, O.J. Simpson signe des milliers de cartes ou de ballons revendus ensuite dans le commerce. Il fait déposer les marques O.J. ou The Juice, son surnom, que l'on retrouve sur les t-shirts de ses fans rassemblés par milliers à l'entrée du tribunal pour le soutenir. Tout le procès sera retransmis en direct à la télé. Pour sa défense, le champion n'a pas lésiné sur les moyens. Il s'entourait d'une équipe d'avocats stars, rapidement rebaptisée Dream Team. Composée de 12 défenseurs, elle est emmenée par deux hommes. Robert Shapiro, l'avocat d'Hollywood, comme on l'appelle, qui maîtrise à la perfection les relations avec les médias, et Johnny Cochran, un célèbre avocat afro-américain, connu pour sa défense des membres de la communauté noire et qui a notamment été l'avocat du boxeur Mike Tyson et du chanteur Mike Jackson. Cochran est précisément l'homme clé de la stratégie d'O.J. C'est lui qui choisit d'axer le procès sur la question raciale, et dès le début. Il s'appuie sur les sondages d'opinion qui affichent un pays coupé en deux. Si 60% des Américains pensent qu'O.J. est coupable, 60% des Noirs sont persuadés qu'il est innocent. De nombreux Afro-Américains suivent le procès d'O.J. Simpson comme le miroir inversé, le moment de revanche de celui de Rodney King. Et pourtant, les deux situations sont totalement opposées. O.J. est riche, célèbre, et il a toujours fait en sorte qu'on oublie son appartenance à la communauté noire. C'est donc sous cette haute tension que commence la première phase du procès en septembre 1994. Et elle est primordiale, puisqu'il s'agit de la sélection des 12 jurés qui vont devoir délibérer. Philippe Reltien, correspondant aux États-Unis pour France Inter, expose les questions de cette première étape tellement délicate. Le public de Los Angeles se dit complètement écœuré par ce barnum médiatique, mais il continue à rester collé au petit écran. Et le juge s'interroge, comment les jurés vont-ils pouvoir sereinement délibérer ? Faut-il interdire la salle d'audience aux caméras ? Pour garantir la paix aux 12 jurés qu'il sélectionne maintenant en leur donnant à remplir un questionnaire de 100 pages, le juge envisage de les séquestrer dans un hôtel pendant 6 mois. Ces petits commerçants noirs, latinos ou asiatiques du centre de Los Angeles, le vivier des jurés potentiels, peuvent-ils se payer le luxe de s'absenter 6 mois? Pour avoir un verdict, il faut 12 jurés d'accord. Il va falloir surmonter des préjugés raciaux et sociaux énormes. Les noirs et les femmes en majorité n'ont aucune compassion pour la belle victime blonde à la Ferrari blanche Nicole Simpson et pour son jeune ami Ronald Goldman et ont été éblouis par le panache de la star du football en fuite sur l'autoroute devant 30 voitures de police. Pour eux, c'est devenu le match entre le Robin des Bois noir et Blanche-Neige. Face à cette situation, le procureur de Los Angeles, Gilles Garzetti, a pris une série de mesures. D'abord, il décide d'organiser le procès dans le centre de Los Angeles pour garantir une mixité sociale et raciale du jury. Ensuite, il renonce à demander une condamnation à la peine de mort et opte pour la perpétuité. Il faut dire qu'un procès test avait été réalisé et le jury avait choisi de ne pas condamner le champion à la peine capitale. Vu sa popularité, il était impensable que 12 jurés envoient une idole à la mort. Enfin, il nomme à la tête de l'accusation une certaine Marcia Clark, procureure réputée pour sa force de travail et qui n'a pas perdu un procès depuis 10 ans. Elle est rapidement rejointe par Christopher Darden, un procureur noir. Les commentateurs voient dans ce choix une tactique pour essayer de limiter la stratégie noire contre blanc développée par Cochran, l'avocat Simpson. Après 4 mois de débat et ce qu'il faut bien appeler un véritable casting, les 12 jurés sont sélectionnés. L'équipe de Simpson dépense sans compter pour établir des questionnaires, recouper des données, les analyser en vue de sélectionner le jury idéal. On compte finalement 10 femmes, dont 8 noirs et 2 hommes, un hispanique et un afro-américain. Leur anonymat est préservé et, comme convenu, ils resteront isolés dans un hôtel coupé du reste du monde pour toute la durée du procès. Ils ne pourront voir leur famille qu'une fois par semaine. Leurs téléviseurs ne diffuseront aucune information concernant l'affaire. Et dire que le procès doit durer au minimum 6 mois. Ces 12 hommes et femmes, les avocats de la défense, Robert Shapiro et Johnny Cochran, les procureurs en charge de l'accusation, Maria Clark et Christopher Darden, voici les personnes qui, dans quelques mois, seront les acteurs d'un procès dont les rebondissements donneront à l'affaire O.J. Simpson une ampleur inédite. Première chose à réussir, l'entrée dans la cage aux fauves du tribunal, en se sachant épié du regard par 12 jurés et par des millions de téléspectateurs. C'est moins difficile pour un acteur comme O.J. Simpson. La contenance a changé, hier abattu, aujourd'hui bien calé dans son costume, couvert par une équipe d'avocats de rêve qui va jouer la défense à outrance. Ça peut durer 6 mois, il faut savoir encaisser les coups. Le procureur Marcia Clark, en petit tailleur et à frisette, est une ancienne danseuse qui sait exploiter les failles chez les durs. La défense plaide non coupable, elle doit recréer pour les 12 jurés sans exception, sans aucun doute possible, sans témoin direct, sans arme du crime, la soirée du 12 juin avec O.J. dans le rôle de l'assassin de sa femme Nicole et de son ami Ronald. En janvier 1995 commence le procès proprement dit. Le combat peut débuter, il promet d'être sans merci. Comme le veut le système judiciaire américain, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité du suspect. Alors, Marcia Clark et Christopher Darden, en charge de l'accusation, déroulent au mieux les pièces et les témoignages accablants contre O.J. Simpson. La paire de gants ensanglantés, découverte sur le lieu du crime, et chez O.J., les traces de sang appartenant aux deux victimes et à la vedette retrouvées aux deux endroits, les antécédents des suspects, son alibi fragile. Il est vrai que la barque est lourdement chargée. De son côté, l'équipe d'avocats de Simpson, emmenée par Cochrane, s'attache à démonter une à une ses soi-disant preuves. Où est l'arme? Où sont les témoins? Quelle est l'heure exacte de la mort des deux victimes? Impossible à établir précisément, vu que le médecin légiste est arrivé trop tard. Les ténors du barreau américain mettent en cause les policiers scientifiques qui n'ont pas pris toutes les mesures de précaution sur la scène du crime. Ils démontrent la fragilité des preuves ADN et ils complexifient les analyses scientifiques pour brouiller l'esprit des jurés. Une à une, les charges s'effritent. Les défenseurs font leur job avec talent. Après 6 mois de procès, Maria Clark et Christopher Darden le sentent. Chaque jour, la Dream Team des avocats de Simpson marque des points. Christopher Darden choisit donc de tenter le tout pour le tout. Le 15 juin 1995, il décide, contre l'avis de Marcia Clark, de faire essayer à O.J. Simpson les gants retrouvés sur les lieux du crime. Alors le joueur se lève, enfile des gants en latex, saisit ceux en cuir, et là, ils ne lui vont pas. Non, ils sont trop petits. Simpson grimace, lève les mains en l'air pour bien montrer aux jurés qu'il n'arrive pas à les enfiler. Pris court, Christopher Darden bafouille, cherche ses arguments, patauge. Du côté de la défense, Johnny Cochrane esquisse un sourire. Il sait que le procès vient de basculer. Au cours de sa plaidoirie finale, il trouvera d'ailleurs une phrase choc restée dans les mémoires. I was thinking, je réfléchissais last night, la nuit dernière about this case, à cette affaire et à ce qui ne fait pas sens, ce qui ne va pas, ce qui est faux. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous devez vous lever et dire « ce n'est pas ce gars ». Si ça ne va pas, vous devez acquitter. Martha Clark et Christopher Darden ont beau expliquer qu'avec l'humidité, le cuir a rétréci, rappeler qu'on a retrouvé la facture de gants du même type au nom de Nicole Brown, lui faire essayer une nouvelle paire de la même taille que celle retrouvée et neuve, qui cette fois lui va, le public conservera toujours cette image en tête. Une image dont se sert Johnny Cochrane pour appuyer sa thèse, celle du complot fomenté contre O.J. Simpson par le LAPD, qui selon lui aurait placé tous ses éléments sur le lieu du crime pour le faire accuser. Par expérience, Cochrane le sait, dès que la question raciale, et encore plus avec le LAPD, s'invite dans un procès, elle occulte tout le reste. Une lucidité récompensée dans les derniers jours par un coup du sort incroyable. Au milieu du mois d'août, une journaliste explique qu'elle a retrouvé chez elle des entretiens réalisés plusieurs années auparavant où elle interviewe Mark Furman, l'inspecteur qui a découvert le gant chez Simpson et qui est soupçonné de racisme. Après de multiples tractations, le juge autorise la défense à diffuser des extraits de ses cassettes. Et voici ce qu'on entend dans la salle d'audience le 29 août 1995. Première chose, quoi qu'il sorte de la bouche d'un nègre, vous pouvez être sûr que c'est un mensonge. Ne jamais se battre ou essayer de baiser les flics. Vous comprenez ce que je dis, les nègres ? Le choc est considérable. Pour la communauté noire, c'est une preuve flagrante de l'attitude du LAPD depuis des années. Pour l'accusation, le coup est terrible. Lors de sa première audition, Mark Furman avait été poussé par la défense à jurer qu'il n'avait jamais prononcé le mot « nègre ». L'enregistrement prouve donc qu'il a commis un parjure. Pire, plus loin dans l'interview, il admet avoir déjà fabriqué de fausses preuves. La tactique adoptée par Johnny Cochrane fonctionne parfaitement, car on oublie les victimes Nicole Brown et Aaron Goldman, on oublie le suspect principal, O.J. Simpson, et le procès se transforme en accusation des méthodes racistes de la police. Cette fois, l'affaire bascule de manière irréversible. Et le verdict approche à grands pas. C'est maintenant le temps des dernières plaidoiries. Dans un exposé clair, Marcia Clark et Christopher Darden reprennent les preuves accablantes et rappellent, en se tournant vers les familles des victimes assises derrière eux, qu'il ne faut pas oublier Nicole Brown, femme battue, assassinée, et Ron Goldman venu rendre un service au mauvais endroit, au mauvais moment. L'avocat Johnny Cochrane, lui, se lance dans l'une de ses célèbres plaidoiries où il peut mettre en avant tout son art oratoire. Et il pousse encore plus loin la thèse du complot et la question raciale jusqu'à comparer Mark Furman à Hitler. Le 29 septembre 1995, le procès s'achève. Les jurés doivent délibérer. Après 9 mois de débats intenses, des milliers de documents épluchés, des centaines de témoignages entendus, le verdict à l'unanimité devrait prendre plusieurs jours, voire des semaines. Les avocats et procureurs rangent leurs affaires, partent en vacances, essaient d'oublier la haute tension du procès du siècle. Pourtant, à la surprise générale, le lendemain, 4 heures seulement après le début des délibérations, le jury annonce qu'il s'est entendu sur un verdict. Tout le monde revient à la va-vite, et le 3 octobre 1995, c'est toute l'Amérique qui est suspendue à son téléviseur. Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. Nous, le jury, avons délibéré et déclarons Orenthal James Simpson non coupable du meurtre de Nicole Brown Simpson. Thank you. Not Guilty, la joie expressive de Johnny Cochran, mêlée aux cris de douleur de la famille Goldman, renvoie l'image d'une Amérique déchirée par ce verdict. D'un côté, à l'extérieur du tribunal ou devant leur téléviseur, des milliers de Noirs célèbrent ce qu'ils considèrent comme leur victoire. En face, l'image des Américains blancs, désespérés ou en larmes. Dans l'attente des résultats, la police s'est déployée dans tout Los Angeles et quadrille la ville. Elle craint des émeutes. Pour l'accusation, le constat d'échec est retentissant. Lors d'une conférence de presse, Marcia Clark, Christopher Darden et le père de Ron Goldman, l'une des victimes, prennent la parole. C'était un combat digne. Il a fallu du courage, de l'intégrité, de la force mentale. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de chacun d'entre nous. Je ne suis pas en colère. J'ai confiance dans les avocats et l'équipe des procureurs. Je suis honoré d'avoir... Le 13 juin dernier fut le pire cauchemar de ma vie. Aujourd'hui, c'est le second. À l'image des sanglots de Christopher Darden, les stigmates de cette incroyable affaire hanteront longtemps, non seulement ses acteurs, mais l'Amérique tout entière. À l'annonce du verdict, commentateurs, intellectuels, journalistes se relaient pour essayer de comprendre comment ce procès a pu basculer ainsi. On s'interroge également sur le système judiciaire dans son ensemble, sur la prédominance de l'argent et des médias. Tous en conviennent, il n'est pas dit qu'O.J. Simpson aurait été condamné s'il avait été blanc. En revanche, il l'aurait été, sans aucun doute, s'il avait été pauvre. Dans les jours qui suivent le verdict, les jurés sont interviewés sur les plateaux de télé. Tous assument leur choix. Ils avaient un doute, ils ont donc choisi l'acquittement tel que l'exige la loi américaine. Quant à la rapidité du verdict, l'explication est toute simple. Les jurés, qui ont été enfermés pendant 9 mois, ont voulu abréger leur calvaire. De son côté, O.J. Simpson sort libre. Il monte dans une voiture blanche, escorté de plusieurs véhicules noirs, et de nouveau, des hélicoptères suivent son retour chez lui. Une image comme en écho à la poursuite folle du 17 juin 1994. Une image comme un clap de fin sur cet incroyable fait divers qui a tenu en haleine l'Amérique entière pendant 1 an. Le temps d'un procès, O.J. Simpson aura rouvert les plaies béantes d'un pays coupé en deux. Il est là, large, barge, près de la berge, narge, a quitté la cage pour le marivaudage, le marécage, et derrière lui, loin, son acte le plus sage est d'avoir tiré sur le parrain. Dans son quartier, le général Noriega est aussi respecté que Jean Bedel, Bocassa, Lino Brown, Escobar, les blocs, notes de dollars sont aussi vénérés que Jésus-Christ le soir. En pleine crise, à deux vols au casino, secrètement son rêve est ne plus gratter des bancos, son petit larcin est signe de malchance. Les balances sont des caméras de surveillance. Fini les costards à la Marlon Brando. La démarche calque sur De Niro de l'Actor Studio. Heureusement que la santé fleurit à Fresne. Il rêve de politique pour être un gangster moderne. Gangster moderne, c'est juste ajouter quelques zéros. Gangster moderne. Jadis c'était Alfonso Capone Nitti. Aujourd'hui les affranchis roulent en berline à Paris. Oui. Laisse dans ce business Elliot Ness et de mèche. Satan dirige la messe donc personne ne se confesse. Allez. Il a rêvé de fumer de la taille en toute impunité. Mais c'est que seuls les députés auront l'immunité. Que les plus grands gangsters font du marketing. Quand ils dansent des jeans en CDI dans un pressing. Il rêve action, gilet pare-balles, paranoïa. Sans même le 13e mois veut s'installer dans la familia pour reposer son. Son père, retraité et plein de peine, il veut faire de la politique pour être un gangster moderne. Gangster moderne. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le procès O.J. Simpson. Notre invité, Sylvie Laurent. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste de la question afro-américaine, et que vous venez de publier un nouvel essai intitulé « La couleur du marché ». C'est aux éditions du Seuil. Avant de commencer l'entretien, nous devons donner quelques informations supplémentaires à l'auditeur. À la suite de ce verdict au procès pénal, 2 ans plus tard, en 1997, O.J. Simpson se retrouve de nouveau devant les tribunaux, cette fois au civil, après la plainte déposée pour dommages et intérêts par les familles Goldman et Brown. O.J. Simpson n'est plus accompagné de sa dream team d'avocats, cette fois, il témoigne directement. Et une nouvelle preuve est venue s'ajouter au dossier de l'accusation, c'est une photo où il porte des chaussures correspondant à la trace retrouvée sur les lieux du crime. Le 4 février 1997, le jury civil, le juge responsable de la mort de Ron Goldman et de Nicole Brown, et il doit payer 33 millions de dollars aux familles de victimes. Puis, en 2008, il est de nouveau jugé, cette fois dans une sombre affaire de séquestration et vol à main armée à Las Vegas. Et là, il est condamné à 33 ans de prison. Et il est encore, au moment où nous parlons, en prison. Enfin, il y a quelques mois, l'affaire O.J. Simpson a ressurgi puisqu'on a retrouvé la trace du couteau qui aurait servi le soir des meurtres. Couteau qu'un homme avait découvert des années après dans le jardin de Simpson et qu'après un imbroglio juridique, il n'avait pas pu remettre à la police. Voilà pour ces informations supplémentaires. Sylvie Laurent, tout ça pour revenir quand même à ce premier verdict qui nous a occupé pendant le récit qui est au cœur de notre histoire. Donc, cette fameuse formule, not guilty, comment expliquer ce verdict qui surprend à ce moment-là aux États-Unis, mais pas seulement, hein, dans le monde entier, on ne s'attendait pas à ça, vu la lourdeur des charges. Oui, mais vous savez, le principe de la démocratie et de la justice en régime démocratique, c'est que lorsqu'il y a un doute, le bénéfice du doute profite à l'accusé. Et en l'occurrence, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'on n'avait pas affaire à n'importe qui. Vous savez, O.J. Simpson, il est célèbre depuis la fin des années 60, c'est une superstar. Avec cette chose très particulière aux États-Unis, et c'est l'objet en partie de mon essai, dont le sous-titre est « Racisme et néolibéralisme aux États-Unis », qui est que lorsque vous devenez une espèce de superstar qui générait beaucoup d'argent, vous êtes d'une certaine façon déracialisé. Et O.J. Simpson a été adoré par l'Amérique blanche parce qu'il incarnait cet individu exceptionnel, celui qui, parti de rien, avait réussi, celui qui n'était jamais dans la revendication ou le ressentiment, et qui était bien la preuve aux yeux des blancs que, parce que lui était l'exception, c'était donc bien le signe que les autres, ceux qui parlaient de brutalité, ceux qui parlaient de discrimination et de racisme, étaient donc des géniards. Et donc on a adoré O.J. Simpson pour sa capacité à donner l'illusion d'un consensus, d'une amitié interraciale. Et donc, lorsque cette histoire le ramène au statut de criminel, c'est quelque chose de terrible pour les Blancs, parce que leur icône, ce noir qui n'était plus noir, devient tout à coup possible, éventuellement un criminel. Et pour les Noirs, ils se retrouvent dans la situation où l'un de ceux qui ne voulait pas être des leurs, mais qui, tout en étant milliardaire, n'en est pas moins noir, et dans leur situation quotidienne à eux, en particulier à Los Angeles, qui a cette longue histoire de racisme, c'est-à-dire d'être un individu face à une institution, la police de Los Angeles, dont on sait historiquement qu'elle est raciste, qu'elle magouille, qu'elle invente des preuves, qu'elle laisse des armes à feu à côté de gens. Et donc, si vous voulez, l'idée autour de ce procès, ça n'est pas la question de est-ce que O.J. est coupable, c'est est-ce qu'il est possible qu'on ait voulu prouver, qu'on ait voulu fabriquer sa culpabilité. Et ça, ça parle à chacun des Noirs américains, parce que dans sa vie, dans son expérience, il a vu des policiers se comporter ainsi. Et donc, il est devenu le cas d'école, l'espèce de purgation, si vous voulez, de rédemption pour les dizaines et les dizaines de cas où la police s'est comportée de façon criminelle, de façon coupable, en toute impunité, sans jamais que justice soit faite. Et d'une certaine façon, certains ont dit que le verdict du procès O.J. Simpson, c'était d'une certaine façon la revanche, le petit prix à payer pour le nombre de fois où un policier blanc l'a emporté face à des brutalités commises sur des Noirs. Et notamment 2 ans auparavant, ce qui avait déclenché quand même les pires émeutes à Los Angeles depuis longtemps. Mais bien sûr, c'est ça qui est très important et à replacer dans le contexte. Aujourd'hui, on entend beaucoup, à la suite des épisodes de brutalité et d'assassinat commis par la police sur des jeunes Noirs, que le fait que ce soit filmé, que les policiers soient désormais équipés de caméras va constituer d'une certaine façon une protection. On va avoir les images et donc les images sont une garantie de justice. Et on oublie un peu aisément que ce même Los Angeles dont les policiers ont prouvé entre guillemets la culpabilité d'O.J. Simpson, c'est à cet endroit qu'un jeune noir a été passé à tabac par 4 policiers blancs sous la caméra d'un passant, que le film est passé sur toutes les chaînes des États-Unis et que néanmoins les 4 policiers blancs ont été innocentés. Et on est quelques années avant l'histoire O.J. Simpson. Et quelques années après, on demande à ce jury qui vient de Los Angeles, qui connaît les pratiques de cette police ripoux, on leur demande, est-ce que vous pensez absolument au très fond de votre cœur et de votre conscience qu'il n'y a aucune chance pour que ce qui ait motivé l'inculpation et les preuves contre O.J. Simpson ait été fabriqué. Et tout le génie de l'équipe de défense d'O.J. Simpson a été de montrer que la police était raciste et que celui qui a prétendu trouver le gant, que celui qui a expliqué qu'il y avait les traces de sang, était lui-même raciste. Et vous savez, il y a en ce moment même, la Cour suprême des États-Unis, en 2016, est en train de réfléchir à un cas qui s'est produit, lors duquel on a, lors d'une délibération du jury, l'un des jurys s'est rendu coupable de propos racistes vis-à-vis d'un hispanique. Et ensuite, la Cour a été saisie. En ce moment, la Cour suprême est en train de délibérer sur la question de est-ce que si un membre du jury ou un membre parmi les juges est raciste, est-ce qu'on peut en déduire que le verdict sera discriminatoire? C'est un précédent juridique qui nous vient de l'affaire O.J. Simpson. Si le policier qui vous accuse est raciste, est-ce qu'on peut considérer la neutralité des preuves qui sont apportées? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle en France, que Jacques Vergès appelait la défense de rupture. Hein. C'est quasi un chef-d'œuvre de défense des avocats. C'est-à-dire qu'ils vont retourner, comme vous le dites, l'accusation, elle se retourne contre la police. Donc cette fameuse défense de rupture. Est-ce que déjà les avocats n'avaient pas un peu gagné avec la composition du jury quand même? Parce que c'était, on a vu, c'est important ce fameux casting du jury. Qu'est-ce qu'il nous dit ce casting-là d'emblée? L'idée était d'avoir une représentation du jury à l'image des parties prenantes de l'affaire, donc 9 des 12 membres du jury soient minorités de couleur et qu'il y ait des femmes, évidemment, était une façon de faire en sorte que les minorités soient représentées, sans que pour autant ce ne soit une garantie de soutien pour O.J. Simpson. Ouais. On le voit aujourd'hui dans une autre histoire où un réalisateur afro-américain est mis en cause dans une histoire de viol lorsqu'il était lycéen. La majorité des femmes, et y compris des femmes noires, sont très opposées à lui. Donc à l'époque, c'était différent. Ce qu'il a fallu prouver, c'était parvenir à dire à ce jury, vous voyez, si vous étiez à la place d'O.J. Simpson, si c'était votre fils ou votre père, est-ce que vous mettriez votre main à couper, votre main au feu, que toutes les preuves qui ont été rassemblées contre lui l'ont été de façon équitable et de façon juste? Et personne ne pouvait dire ça. Et donc, dans le doute, les gens ont considéré que pour toutes les fois où ils avaient eu la certitude que la police était raciste, qu'elle était discriminante et qu'elle créait des charges pour pouvoir s'assurer de la culpabilité des Noirs, eh bien voilà, cette fois, parce qu'il était milliardaire, parce qu'il avait les moyens de se payer les plus grands avocats du pays, O.J. Simpson a réussi, ce qui est aussi un tour de passe-passe assez intéressant, à faire en sorte que le petit prolétaire noir, le pauvre et le chômeur s'identifie à lui, le noir milliardaire, parce que subitement, il était lui aussi, tout milliardaire qu'il était, rétrogradé au rang de criminel, au rang de bête. Et à l'époque, vous avez parlé du rôle des médias et de ces images. J'allais venir. L'hémoglobine, le sang, la description de des coups de couteau, de l'égorgement. Enfin, on est dans une espèce comme ça de fascination pour la question du sang, et j'imagine qu'il ne vous aura pas échappé que, évidemment, dans une question raciale, dans une histoire d'un homme noir qui aimait une femme blanche, la question du sang, de cette goutte de sang qui fait de vous un noir ou un blanc, évidemment, c'est très explicite. Le sang, c'est ce qui est censé couler dans les veines et déterminer qui on est dans le racisme biologique le plus primaire. Donc évidemment, il y avait quelque chose de très anthropologique, de très viscéral dans ce procès, beaucoup de voyeurisme, mais aussi une angoisse primitif chez chacun des Américains sur quelle est mon identité raciale et est-ce qu'il y a quelque chose d'atavique chez les Noirs qui les pousse à être des criminels. Donc on est quand même toujours dans l'idée de cet inconscient raciste qui anime beaucoup la fascination des spectateurs pour ce procès à grand spectacle. Alors, plus de 10 ans après ces événements arrive la rupture, celle politique, hein, de l'élection du président Barack Obama, donc premier Afro-Américain qui accédait à la Maison Blanche. Donc on va écouter une archive d'Obama justement sur cette question. Nous sommes en 2008 pendant la campagne, c'est à Philadelphie que Barack Obama s'exprime et il s'appuie sur l'histoire et la constitution américaine pour aborder cette question raciale. And yet words on a parchment. Et pourtant, des mots sur un parchemin ne suffirent ni à libérer les esclaves de leurs chaînes, ni de donner aux hommes et aux femmes de toute couleur et de toute croyance leurs pleins droits et devoirs de citoyens. Il fallait encore que de génération en génération, les Américains s'engagent en luttant et protestant, dans la rue et dans les tribunaux, et en menant une guerre civile et une campagne de désobéissance civile, toujours en prenant de grands risques. Pour réduire l'écart entre la promesse de nos idéaux et la réalité de leur temps, c'est l'une des tâches que nous nous sommes fixées au début de cette campagne. Continuer la longue marche de ceux qui nous ont précédés. Une Amérique plus juste, plus égale, plus libre, plus généreuse et plus prospère. J'ai choisi de me présenter aux élections présidentielles à ce moment de l'histoire parce que je crois profondément que nous ne pourrons résoudre les défis de notre temps que si nous les résolvons ensemble, que nous ne pouvons parfaire l'union que si nous comprenons que nous avons tous une histoire différente, mais que nous partageons les mêmes espoirs, que nous ne sommes pas tous pareils et que nous ne venons pas tous du même endroit. Mais que nous voulons aller dans la même direction, vers un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Sylvie Laurent, je reprends la balle au bond de ce que vous avez dit en début d'entretien. Vous avez dit, concernant O.J. Simpson, finalement, les Blancs ont fait abstraction du fait qu'il était noir, parce qu'ils ont vu d'abord l'ascension, le rêve américain, hein, finalement. Bon, est-ce que Barack Obama, ça a été ça aussi pour les Blancs? Écoutez, la comparaison s'arrête là, évidemment, parce que oui, je parle d'un côté d'un criminel et d'un président. Ça n'est pas une analogie absurde. Le grand principe de l'ère néolibérale contemporaine, c'est qu'on s'appuie sur la réussite de quelques-uns qui sont hyper visibles pour rester aveugle à l'oppression de la masse. Et aujourd'hui, on pense que parce que Beyoncé, parce que Jay-Z, parce que Barack Obama occupent notre espace collectif imaginaire, alors c'est bien que les Noirs, s'ils s'en donnent la peine, peuvent parfaitement réussir. Et ce qui est assez remarquable dans cet extrait que vous avez passé du speech de Barack Obama, c'est qu'il est dans une espèce de déclaration d'amour à l'Amérique comme lieu où toutes les opportunités peuvent se réaliser, tout en rappelant quand même que les progrès ont été faits par des générations et des générations de dissidents de couleur. Vous savez, il y a une phrase de l'écrivain militant afro-américain James Baldwin qui disait « J'aime énormément l'Amérique, c'est mon pays, que j'aime le plus au monde, et précisément parce que c'est mon pays, je m'accorde le droit de le critiquer inconditionnellement et constamment. » Et il dit, je répète, inconditionnellement et constamment. Et cette critique de ce qui ne va pas dans la démocratie, c'est ce que les Noirs américains les plus militants et les plus radicaux font depuis 250 ans. Barack Obama, il est dans une autre école. Il est dans l'école de ceux qui sont arrivés et qui remercient l'Amérique, qui sont dans une forme de gratitude, qui pensent à la réconciliation, qui pensent qu'on peut réconcilier et que l'on peut soigner les plaies. Et d'une certaine façon, c'est quelque chose évidemment de très méritoire de vouloir réconcilier. Mais tant que la reconnaissance des souffrances infligées n'est pas faite, vous ne pouvez pas consoler quelqu'un. Et on ne peut pas consoler la nation noire américaine tant que l'on ne reconnaît pas les injustices et l'oppression. Et ce qui manque à Barack Obama depuis 8 ans, c'est un moment où il cesse de dire « nous faisons des progrès, nous sommes une nation formidable, le plus grand pays du monde » pour dire « écoutez, là, ça ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à nos idéaux et nous sommes encore une nation imparfaite ». Et il est plutôt dans une espèce de déclaration sur la perfection. D'ailleurs, il reprend le discours de Lincoln pour une union plus parfaite. Et ce que lui rappellent les militants aujourd'hui, les militants de Black Lives Matter et tous les autres, c'est très bien d'expliquer que l'Amérique est un pays exceptionnel. Mais que de crimes ne commettons au nom de ton exceptionnalisme, Amérique ? Et d'autant plus que depuis 2 ans, les bavures policières contre les Noirs rythment tragiquement l'actualité américaine. Ça, c'est le constat d'échec pour Barack Obama, plus que pour un autre président, eu égard à la couleur de sa peau. Alors, on peut pas dire en même temps que Barack Obama soit responsable. Bien sûr, mais il est président. Alors, s'il y a une chose que l'on peut dire, c'est que son élection a littéralement hystérisé une bonne partie de la population blanche, qui s'est dit, on a tout perdu. Y compris les lieux suprêmes du pouvoir sont occupés par un noir, et peut-être pire encore par une femme. Alors, c'est l'abomination de la désolation. Et donc, cette espèce de crispation sur le sécuritaire, en a découlé. Mais, sa responsabilité a en effet peut-être été de taire, comme je le disais précédemment, de taire le caractère structurel, permanent et insidieux des discriminations raciales. Et le problème n'est pas tant peut-être qu'il y ait cette récurrence, et on le voit depuis O.J. Simpson, ça n'a pas changé encore à Los Angeles, mais aussi à Baltimore, à New York, à Saint-Louis, la liste est inarrêtable. Ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois, les policiers ne sont pas condamnés. C'est ça, qui est le problème. C'est que pourquoi est-ce qu'un policier se retiendrait d'appuyer sur la détente à chaque fois qu'il voit un noir et bouger comme une espèce de réflexe atavique qui n'a aucun sens si ce n'est la présomption que derrière tout noir il y a un criminel, puisqu'il sait que de toute façon les syndicats de policiers vont le défendre et qu'il ne sera pas condamné. Et donc cette idée selon laquelle, on y revient, la justice est toujours une justice à deux vitesses, c'est pas selon que vous serez puissant ou misérable, c'est selon que vous serez un petit vendeur de cigarettes à la sauvette noire dans une rue de New York ou un policier blanc, vous n'aurez pas le même traitement. Dans un cas, vous êtes d'emblée considéré comme coupable. Dans l'autre, vous êtes d'emblée considéré comme n'ayant commis que de la légitime défense. Alors, on parle beaucoup d'Obama, Sylvie Laurent, et c'est normal puisque nous sommes en pleine actualité. Quand même, l'Obamacare, c'est la grande réforme de son premier mandat, la couverture sociale, santé. Ce sont comme les Noirs, pas ceux qui en bénéficient le plus, mais parmi les populations qui en bénéficient, car ce sont aussi des populations pauvres. Donc cette politique, même si elle n'a pas fonctionné pour ce qui concerne les crimes de sang, la police, elle a fonctionné de ce côté-là, côté social, non ? Ah mais il est indéniable que les tenants comme Barack Obama de politiques que l'on dit universalistes, oui, c'est-à-dire qui sont les mêmes pour tout le monde, sont lorsqu'elles consistent à redistribuer les richesses, à aller contre l'ordre néolibéral de salaire plus bas, impôts plus bas et dérégulation du marché, lorsqu'il s'agit de redistribuer de la richesse et de permettre aux gens de s'assurer grâce à des mécanismes de soutien de l'État, évidemment que les populations les plus faibles sont les premières à en bénéficier. Et de ce point de vue, il est indéniable que l'Obamacare bénéficie beaucoup, non seulement aux Hispaniques et aux Noirs, mais aux nouveaux naturalisés, et qu'en ce sens, ça permet à la démocratie américaine d'être un peu plus inclusive. Et d'ailleurs, vous parliez des élections, ce n'est pas un hasard. Si Donald Trump et tous ses amis républicains sont à ce point déchaînés contre cette assurance sociale, dont pourtant on pourrait reconnaître les bienfaits, même si rien n'est parfait, pourquoi est-ce qu'ils le détestent à ce point ? Parce qu'ils savent bien que c'est de l'argent du contribuable qui va aller en grande partie aux plus pauvres de couleur. Et pour eux, ça leur est insupportable, puisque bien sûr, derrière ce qu'ils voient, c'est que l'on prend l'argent des blancs pour le donner aux noirs. C'est complètement caricatural, mais ça explique pourquoi une politique qui devrait convenir à tous est devenue à ce point polarisante. Dernière question, Sylvie Laurent. Nous, c'est notre vocation de regarder dans cette émission dans le rétroviseur, pas trop loin, hein, les 40 dernières années. Donc, ça nous a intéressé de savoir, de connaître tous les détails de cette histoire O.J. Simpson. Mais aux États-Unis aujourd'hui, est-ce que ça a laissé des traces, et quelles traces ça a laissé ? Mais c'est une histoire qui continue à être passionnelle et entretenue. L'une des séries dont on parle le plus aujourd'hui et qui vient de gagner toute une série de prix lors d'une de ces grandes cérémonies, vous savez, dont les États-Unis raffolent, c'est une série qui s'appelle The People vs. O.J. Simpson, qui est une petite mini-série en 5 épisodes qui retrace l'aventure d'O.J. Simpson. Et aujourd'hui encore, ça passionne les foules. Et vous savez ce qui est le plus fascinant ? Des sociologues ont établi une étude pour voir quel était est l'opinion des Américains à l'époque du procès et aujourd'hui. Et on se rend compte que, à l'époque du procès, la majorité des Noirs pensaient que O.J. Simpson était innocent et la majorité des Blancs qu'il était coupable, et qu'aujourd'hui, 20 ans après, alors qu'on aurait pu penser que les choses auraient décanté et que une espèce de réflexion, c'est exactement le même résultat. Les gens n'ont pas changé. Il y a cette espèce de polarisation extrême sur le cas O.J. Simpson, et on ne compte pas le nombre de films. O.J. Simpson et son procès reste un mythe. Pourquoi ? Parce qu'il est d'une actualité absolument bouleversante. Merci infiniment, Sylvie Laurent. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, l'affaire O.J. Simpson. Demain, nous évoquerons la crise financière de 2008.